C'est qui ça? Maman en feu, c'est mon pote d'enfance qui m'appelle. À cette heure-ci de la nuit, mauvaise nouvelle, mais laquelle? Il m'annonce que rien ne va plus avec le boulot. Chômage assez bref, il préfère noyer ça au goulot. Sa voix sans lointaine ressemble à aucune autre, aucune. Il dit avoir gâché ses chances alors que certains n'en ont qu'une. C'est un signal d'alarme, je sens que son œil a l'alarme. Comme si le peu de son existence avait blessé son cœur à la lame. Sa femme l'a fait démissionner de son rôle de père. Où est mon gars avec lequel avant formé une drôle de père? Je sais pas, je le reconnais plus. Lui bosseur, devenu laxiste. Chie tes boissons l'assiste, tire sur les cordes pire qu'un bassiste. Apparemment ce soir est un soir de non-retour. Il n'y a qu'une balle dans la roulette qui a déjà fait de nombreux tours. Quand tout l'a trahi, j'étais le seul à répondre à l'appel. Vince qui m'a dit en dernier. Ouais Cody, c'est pour ça que je t'appelle.